Oui, Alessandro Stella, chercheur à l'UEOCEA. Je partage l'analyse d'André Günther. Par contre, je ne comprends pas sa conclusion, puisque moi aussi, j'ai vécu depuis que j'ai fait partie de ce conseil d'administration un sentiment d'impuissance absolument énorme, lourde. Parce qu'on se rend compte, enfin, personnellement j'ai voté contre toutes sortes de fondations, parce qu'elles sont évidemment faites pour rendre de moins en moins démocratique la décision, les décisions importantes qui doivent être prises. Mais je me suis retrouvé toujours minoritaire. Et je dois dire, à partager ce refus fondamentalement avec les représentants des étudiants et des IATOS. Il s'agit maintenant de prendre une décision très importante concernant le fait d'assumer ou pas les compétences élargies et s'aligner à terme, en effet, sur les universités. Je crois qu'on a tout à perdre, je suis généraliste, mais je me sens école depuis 30 ans. Et je pense que même avec ces défauts de l'école, en particulier le fait que les chercheurs sont des secondes zones par rapport aux anciens chercheurs, et il y aurait d'autres critiques à faire, mais enfin. C'est quand même mieux que ce qu'on peut envisager pour le futur avec les dites compétences élargies. Et là, il s'agit peut-être d'une occasion dans laquelle encore, via la composition du conseil d'administration, un peu de démocratie peut aboutir à quelque chose. Donc, je ne vois pas pourquoi, justement, il faudrait s'aligner et faire. Ce qu'ils nous demandent les ministères, c'est justement à partir de la présidence, par les conseils et ensuite autres instances de décision, de se faire des courroies de transmission des décisions déjà prises. Mais là, on a l'occasion, justement, de refuser la LRU. Et donc, moi, je souhaite quand même qu'on puisse à cette occasion, au moins dire, ne serait-ce que pour ça, au moins dire qu'on n'est pas là pour comment de faire valoir dans ce monde de démocratie, mais qu'on prend notre pouvoir à main, notre contre-pouvoir, jusqu'à quand on en paix.